Afrika batoboni, obaki na wapie, obaki na wapie, Aloba konini, nape la fuzolo kudu, kisola ya ngalaya, etonyi minako ya bato, Na wayo, na wayo, kolukatela. phrase et le côté malamista tu la belle phrase et le quinzani et le quinzani et le quinzani et le quinzani. Malavista tu la vecchia base e la quasi, e la quasi.